للصلاة واتبع شهوات غير المؤمنين. Donc ceci indique que eux, au moment de leur perdition dans la prière, au moment où ils ont perdu leur prière, la prière sont, et donc ils n'ont pas fait dans ce sens-là, cela. Wattaba ou shawat, ils ont suivi leur passion. Rien au milieu, ce ne sont pas des croyants. Donc ça implique, son avis, qu'ils sont mécréants. Ensuite, il va expliquer comment on prend l'argument par rapport au premier verset, comme lui va l'expliquer. Wajjud dalalat min al ayat al oula. Donc la manière de prendre l'argument sur le premier verset. C'est par rapport que quand on combat les mouchlikoun, d'accord, les associateurs ou le kafiroun, ils deviennent des frères, comme c'est marqué dans le verset, je vous relis, fa'in tabou, premièrement, donc s'ils se repentent de leur shirk, ou alors comme ou salak, et qui font la prière, ou ataou zakat, qui donnent la zakat, fa'ikhwanukum fiddin, alors ce sont vos frères dans la religion. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'aspect apparent de ce verset, c'est que si ces trois choses-là ne sont pas faites, ils ne sont pas nos frères. Pour qu'ils soient nos frères dans la religion, donc des musulmans, il faut qu'ils fassent ces trois choses. Donc Al-Wathamin, Rahimahullah, il va dire ceci. أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط. جو تابي. الله تعالى اشترط أمي كم كونديسيون كم شرط اشترط لثبوت الأخوة أمي كم كونديسيون pour affirmer la fraternité. Là on parle de la fraternité de l'islam. بيننا et entre nous les musulmans وبين المشركين et entre nous et entre qui les mouchékin, les associateurs. Thalathata shurut, trois conditions. La première condition, an yatubu min ash-shirk, à ce qu'ils se repentent du shirk. Deuxième condition, an yuqimu as-salat, à ce qu'ils accomplissent la prière. Troisième condition, an yu'tu az-zakat, à ce qu'ils donnent la zakat. Ensuite, Al-Famine dit ceci. Je finis cette parole et après le cours sera fini, Inch'Allah, pour ne pas dépasser les 22 heures comme je vous l'avais dit. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. Donc si ils se repentent du shirk mais ne font pas la prière et ne donnent pas la zakat, alors ce ne sont pas des frères pour nous. وإن أقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا. Et si ils font la prière et ne donnent pas la zakat, ce ne sont pas alors des frères pour nous. Ensuite, il dit « وَالْأُخُوَّةُ فِي الدِّينِ لَا تَنْتَفِي إِلَّا حَيْثُ يَخْلُ الْمَرْءُ مِنْ دِينِ بِالْكُلِيَّةِ » Et la fraternité dans la région ne s'annule pas, donc ne s'en va pas, sauf « إِلَّا حَيْثُ يَخْلُ الْمَرْءُ مِنْ دِينِ بِالْكُلِيَّةِ » Sauf l'être humain, lorsque l'être humain sort de la religion « بِالْكُلِيَّةِ » totalement, d'accord. Donc, la fraternité donc musulmane, donc le fait que ce soit frère, n'est pas annihilée, donc n'est pas abrogée par le foussouk. C'est quoi le foussouk? C'est comme j'avais dit, c'est le fait de faire un grand péché, mais qui n'atteint pas le courant couf, comme de faire zina, de voler, de pratiquer le riba, ou de faire du riba, donc de médire, tout ça qui sont des grands péchés. D'accord, le mensonge, etc., tous les grands péchés, la personne est toujours musulman. Maintenant, ça ne fait pas sortir de l'islam, sauf chez qui? Chez les khawarij. Les khawarij, eux, ils font sortir l'islam, ceux qui font les grands péchés. Et nous ne sommes pas des khawarij. Et Al-Othamine, ils disent, wal kufr dun kufr, ainsi que le kufr qui est en dessous du kufr, c'est-à-dire que le petit kufr ne fait pas sortir de l'islam. Donc, ensuite il dit, ala tara ila kuli ta'ala fi ayatil qatl. Est-ce que tu ne vois pas dans la parole d'Allah, dans le verset, la cote de le fait, on va dire, le verset qui tue. D'accord. C'est-à-dire qui tue, c'est-à-dire que dans le fait que quand je dis, soit qui tue un musulman, si jamais sa famille ne veut que le tueur soit tué, donc il est tué. C'est par rapport à ce verset-là. Donc Allah Azza wa Jalla a dit faman rafiya lahum min akhihi, donc celui qui pardonne à son frère, et donc son frère quoi, son frère de l'islam, shay'un, une chose, fatiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan, alors il suit par une bienséance et il va donner. Donc je vous explique ça parce que là il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle notamment ad-diya, d'accord, c'est le prix du sang. C'est-à-dire que quand, par exemple, une personne ne veut pas tuer, des musulmans ne veulent pas que celui assassiné, leurs parents, soit tué, ils vont demander, par contre, la s'appelle Dia, donc le prêt du sang. D'accord ? Ça, on étudiera ça en détail dans le fiqh, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Allah Azzawajal demande à ce que ceux qui demandent le prêt du sang le demandent à Bil Marouf par bien séance. Donc, si c'est une pauvre, un pauvre, ils vont pas lui demander, lui dire, bon, demain, tu nous donnes tout l'argent alors qu'il est pauvre, ils vont, et qu'il n'y a personne pour l'aider, ils vont lui demander, mais ils vont faire ça en douceur. Et celui qui le doit là, Wada ou Nilei Birsen, et celui qui doit le donner, Ada ou Nilei Birsen, il doit le donner, doit faire des efforts pour donner le prix du sang Birsen par la meilleure des façons. C'est dans la Sourate Al-Baqarah, le verset 178. Donc là, c'est bien par rapport, c'est par rapport au mot qui est ici, Min Ahi, de son frère. Ensuite, Allah Thamim dit, Fajallahu al-Qatil Ramdan Achan al-Maktou. Donc Allah Azzawajal a mis Al-Qatil, celui qui a tué, d'accord, le meurtrier, Ramdan. Volontairement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tue un musulman involontairement, c'est autre chose, d'accord ? On ne le tue pas. Il va donner une dia, mais il n'aura pas à être tué. Donc, Arnel Maktoub, pour celui qui a été tué. Donc, c'est, d'accord ? Akhan. Je répète ce qu'a dit Al-Uthaymin. Fajarallahu l'qatila amdan akhan lil maktoub. Donc, Allah a mis le meurtrier volontaire, donc celui qui a tué volontairement, en tant que frère, c'est un frère, pour El Maktoul, pour celui qui a été tué. Donc ça ne veut pas sortir de l'islam. Ma'ana al-qatl amdan min akbal al-kabair. Malgré que le fait de tuer volontairement fait partie des plus grands des grands péchés. Parce que parmi les grands péchés, il y a les plus grands des grands péchés. D'accord ? Notamment al-qatl. L'ikolihi ta'ala, par rapport à la parole d'Allah, azawajal, qui est celle-ci, wa man yaktul mu'minan. Muta'amida, donc celui qui tue un croyant, donc un musulman, celui qui tue un croyant, un musulman, d'accord, muta'amidan, volontairement, c'est pas par erreur, mais volontairement, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, donc sa rétribution sera quoi? Jahannam, l'enfer. Et Allah a dit khalidan, éternellement. Et là, il faut savoir que en mot arabe, le mot khalid, éternellement, ne veut pas dire sans fin. C'est comme en français. Le mot éternel, je peux le dire, pourtant il y aura une fin. Par exemple, on parle de prison, une personne qui va rester 30 ans en prison, il va dire « Oh, je suis resté une éternité ». Et pourtant, il est sorti après les 30 ans de prison. Mais il est resté une éternité. En arabe, on trouve la même chose. D'accord ? Le mot khalid, qui veut dire une éternité, si on le met comme ça, khalidan, c'est une éternité. C'est-à-dire que c'est vraiment très très long. Mais ce qui est une fin. Et la preuve, c'est sur ça justement qui se base, donc Al-Sun al-Jamara se base pour comme quoi ceux qui ne fait pas, ceux qui a, excusez-moi, qui a tué un autre musulman est toujours musulman, malgré que là il est marqué que ça récompense, c'est l'enfer éternellement, d'une éternité. C'est pas une éternité qui ne finit jamais, c'est une éternité qui finira. Pourquoi? Parce que dans un autre verset, Allah Azzawajal a décrit le meurtrier comme frère pour celui qui était tué, donc ils sont bien musulmans. Fiha, donc Fiha, dedans, donc je reprends le verset. Wa radim Allahu alayhi, et Allah se mettra en colère contre lui. Wa la'anahu, et il le maudira. Wa addalahu azaban azima, et il a préparé pour lui un châtiment énorme. Là, c'est pour celui-là, le verset de celui qui a tué un autre musulman volontairement. Ensuite, Allah s'est dit Athumma, ala tandri la kolihi ta'ala fi ta'ifatayn. Il est déjà 22h08, excusez-moi, mais il faut. Sinon, si je coupe maintenant, ça va finir l'argument de l'Orsénine par rapport à ceci. Ensuite, tu n'as pas vu sa parole à lui, la parole à Allah, Azzawajal, dans les deux groupes. Dès croyants, il y a deux groupes de croyants. Izaqtatalu, si s'entretuent. Iza iqtatalu. Le verbe iqtatala vient du verbe kotala à la forme, à la wazn, iftarala, qui veut dire s'entretuer. Kotala veut dire tuer. Et iktatala veut dire s'entretuer. Donc Allah a dit ceci. Wa in ta'ifatani min al-mu'minin. Et c'est là qu'il y a l'argument. Et si deux groupes parmi les croyants, donc les deux groupes sont croyants, il n'y a pas un qui est kafir ou quoi. Iqtatalu, ils se font quoi ces deux groupes de croyants? Iqtatalu, ils s'entretuent. Ça implique quoi? Que si des musulmans s'entretuent, et ben le simple fait de s'entretuer, donc de se tuer, ce n'est pas du kufr qui fait sortir de l'islam. Sinon, Allah n'aura pas dit wa in ta'ifatan min al-mu'min. Alors, c'est deux groupes parmi les croyants, d'accord. Donc, les deux groupes sont bien croyants malgré qu'ils s'entretuent. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Aslihu baynahuma. Alors, réconciliez-les. Jusqu'à la parole d'Allah, innamal mu'minun. Ensuite, le verset qui vient juste après, c'est celui-ci. Innamal mu'minun ikhwa fa aslihu bayna khawaykum. Certes, les croyants sont des frères, alors aslihu bayna khawaykum. Alors, comment dirais-je, qu'est-ce que, le mot que j'ai dit en français juste avant, c'est quoi? Quand deux personnes sont, se disputent, il faut. Voilà. Alors, réconciliez vos deux frères. C'est dans Surat Al-Hujurat qu'on traduit généralement par les appartements, Al-Hujurat, les deux versets 9 et numéro 10. Ensuite, Al-Uthamin a dit فأثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين. Donc Allah Azza wa Jal a affirmé, a confirmé la fraternité, donc la fraternité musulmane, donc sont toujours musulmans, entre le groupe qui va réconcilier وطائفتين المقتتلتين et les deux groupes qui s'entretuent. D'accord ? Donc ils sont tous musulmans. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont tous, qui n'a pas dire qu'il y en a qui font des grands péchés. Celui qui a tué, comme on vient de le dire, celui qui a tué sans droit, il a fait un très grand péché, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais un akital mu'minim al kufr, et comme dit l'Ophémine, alors que le fait de combattre le croyant, c'est du kufr. Kama thabata fi, mais je vous le dis maintenant, c'est du, comme il va le dire, c'est du petit kufr. Kama thabata fi al-hadith al-sahih, alladhi rawahu al-Bukhari wa ghayruhu, comme ceci est affirmé dans le hadith qui est authentique, dont Al-Bukhari l'a rapporté et autre que lui, An Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, de ce sahabi qui s'appelle Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bab al-Muslim fousouq, le fait d'insulter le musulman, c'est du fousouq. Le fousouq, c'est-à-dire que la personne... Il a transgressé, hein, il a fait un grand péché. Il a transgressé. Waqitaluhu kufr. Et le fait de le combattre, donc de le combattre par les armes, kufr, c'est de la mécréance. Kufrun, une mécréance. Alors, une grande ou une petite, comme je viens de vous le dire, c'est une petite mécréance. Comme le dit maintenant Al-Wathaymin, lakinnahu kufrun la yukhriju min al-milla. Comme dit Al-Wathaymin ici, mais c'est un. Une mécréance qui ne fait pas sortir de la mila. C'est ce qu'on appelle le petit kouf, ou le kouf d'una kouf, ou le kouf qui est en dessous du kouf. D'accord ? Iz, la wakana mukhrijan min al-mila, ma baqiyat al-khuwatu al-imaniyya ma'ahu. Car si ce kouf-là faisait sortir de la religion, ma baqiyat al-khuwatu al-imaniyya ma'ahu, alors la fraternité de la croyance ne serait pas restée. Donc Allah n'aurait pas nommer les deux groupes qui s'entretuent mu'minin, croyants. Ça implique que c'est le petit kouf. Walayatul karima qad dalat ala baqa'i al-ukhuwati al-imaniyya ma'a al-iqtital. Et le verset, le noble verset, a certes indiqué que la fraternité al-imaniyya de la foi de l'iman demeure ma'a al-iqtital, malgré, avec quoi, l'iqtital, le fait qu'il s'entretue. Et par ceci, on sait que le fait de délaisser la prière, c'est du kufr, mukhrijun an al-milla, qui fait sortir de la religion. Donc là, il ne parle plus maintenant le fait de tuer un musulman, il parle de délaisser la prière. Le fait de tuer un musulman sans droit, volontairement, ce n'est pas du kufr. D'accord ? Mais le fait, là on revient pour le fait de délaisser la prière, c'est du kufr, celui qui délaisse le musulman dans le mazhab al-hanbali, comme je l'ai dit. Car si ça aurait été seulement du fisc, c'est-à-dire que, un fait de faire un grand péché, ou un kufr, d'un kufr,